ça mal stick. J'suis dans le film avec les meilleures actrices. Tous les changeurs dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Piston, t'es un mal stick. J'suis dans le film avec les meilleures actrices. Tous les changeurs dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Catherine, je suis forcé d'aller vite. On n'a plus rien à s'échanger quand la bonbonne est le vide. Il faut danser, j'ai tout liquide. Obligé de pousser Gali et physique à l'IFI. Y'a pas de négociation en dessous de 6-7 chiffres. Moi qui voulais lancer un business clip. J'ai pas débarqué le bouga bugué comme un dyslexique. Elle a les deux, c'est Chanel comme ma clique. Fume la toxique comme Britney Spears. On t'a cramé toi et tes petites esquives. J'ai pas choisi ma vie. Jamais stressé, je suis protégé. Ouais, dans toutes les situations, j'ai mon pistolet. Et ça mal stick, j'suis dans le film avec les meilleures actrices. Tous les changeurs dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Piston, t'es un mal stick. J'suis dans le film avec les meilleures actrices. Tous les changeurs dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Elle est bonne en FaceTime. Le mauvais garçon sort de sa job pour le mal. Si j'étais vous, j'me ferais du tort pour les man. Ils font me copier, j'donne des jobs pour les man. Elle a un bête de boule où y'a que moi que ça choque. Monter la pression et tente l'approche. On a fait beaucoup trop de choses à cross. Si elle bouge très bien son boyau, ça peut vider ma poche. Zani, eux c'est pas des rappeurs, c'est des animaux moches. Zani, Zani, si à Hej j'ajoute un pussy dans le coche. Zani, Zani, descends de par la zizani dans le bloc. Jamais stressé, je suis protégé, ouais, dans toutes les situations, j'ai mon pistolet. Et ça mal stick, j'suis dans le film avec les meilleures actrices. Tous les changeurs dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Pistole, t'es un mastiff. J'suis dans le film avec les meilleures actrices. Tous les changeurs dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Thank you.